La poursuite reproche à Pierre Pelletier d'avoir transmis une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Alain Pelletier. Le contexte de l'affaire est le suivant. L'accusé est le frère d'Alain Pelletier. Leur mère est décédée. Le partage de la succession a divisé la famille en deux clans, opposant notamment l'accusé et la présumée victime. L'accusé et Alain Pelletier s'échangent des courriels, mettant en copie plusieurs autres individus, faisant notamment partie des deux clans. C'est à l'intérieur de ces courriels que l'accusé tient les propos que la poursuite considère être des menaces. L'accusé plaide qu'il n'avait pas l'intention d'intimider ou d'être pris au sérieux et ne conteste pas, par ailleurs, avoir tenu les propos en question. Alors, simplement, la question en est-il vient la suivante, soit les propos écrits par l'accusé constituent-ils des menaces au sens de l'article 264? Alors, les faits reprochés à l'accusé sont transmis par courriel et disent ceci. S'adressant à son frère et mettant en copie plusieurs personnes, j'ouvre les guillemets, « Si j'ai assassiné ma mère, je vais régler ton cas directement à Saint-Sauveur, trois petits points, t'assassiner toi-même et violer ta femme devant les enfants, point. Tiens tes portes barrées et engage de la sécurité, ferme les guillemets. » Alors, ces propos sont déposés en preuve via, je devine, être un screenshot là, ou une capture d'écran d'un compte courriel d'une Chantal mise en copie. C'est ce qui apparaît sur la pièce, qui a été déposée en preuve. En examinant le document en question, on réalise qu'il imprime la capture d'écran ou qu'il est, ou le document imprimant la capture d'écran désigne l'accusé comme Caïn, écrit comme dans la Genèse de la Bible. De toute évidence, Caïn semble être le nom que le titulaire du compte, qui semble être une dénommée Chantal, a associé à l'adresse courriel de l'accusé. Je dis de toute évidence parce que je n'ai pas eu de témoignage à cet effet-là, mais en lisant ou en prenant connaissance du screenshot, on réalise que effectivement, Caïn semble être le nom que le titulaire du compte associe à l'adresse courriel de l'accusé. L'accusé admet avoir écrit ces mots. Il dit être désolé et avoir tenu des propos parce que son frère ne cessait de l'insulter. Il dit vouloir que les insultes cessent. Alain Pelletier témoigne qu'il a eu un choc en lisant le courriel. Il affirme être allé porter plainte car très inquiet du contenu de la missive. Il indique que l'accusé a des problèmes de santé mentale. Alain Pelletier indique qu'il y a beaucoup de courriels précédant celui déposé en preuve. Alain Pelletier admet d'ailleurs qu'il traite l'accusé d'assassin dans ses courriels. Il admet aussi l'avoir traité de violeur. Il admet aussi avoir insulté des membres de la famille élargie, traitant notamment d'obèse une nièce parce qu'elle se mêlait de la succession. On comprend que la nièce aurait pris la part de l'accusé là, dans l'étude. Alain Pelletier admet, en compte interrogatoire, qu'il utilise les mots assassin ou violeur lorsqu'il parle de l'accusé. Il concédera que ce langage heurte, blesse ou peine l'accusé. L'analyse. Alors maintenant, pour l'essentiel, les témoignages de l'accusé et de la présumée victime ne sont pas discordants. Les deux frères sont les principaux acteurs d'un conflit relié à la succession de leur mère défunte. Alain Pelletier et son frère, l'accusé, s'échangent des courriels d'insultes qu'ils partagent avec plusieurs autres personnes. L'accusé se fait traiter d'assassin, de violeur, par la victime alléguée. C'est d'ailleurs parce qu'il en avait assez qu'il aurait rédigé le courriel déposé en preuve. Alors, la preuve entendue est évidente et claire sur le fait que l'accusé n'a jamais assassiné ou violé personne. En tout cas, pas à la connaissance de la victime. La présumée victime, employant ces termes parce qu'elle tient l'accusé responsable du décès de leur mère. Je mets responsable entre guillemets. Il est difficile d'expliquer le raisonnement derrière cette affirmation, mais il dit employer ces termes parce qu'il tient l'accusé responsable du décès de la mère. Je le répète, il est difficile d'expliquer les raisonnements derrière cette affirmation, mais c'est quand même ce qu'il explique. Alors, c'est dans ce contexte que l'accusé écrit que s'il a assassiné sa mère, il va régler le cas de la victime, l'assassiner, violer sa femme, et il l'informe de tenir ses portes barrées et d'engager la sécurité. Alors, les avocats de l'accusé attirent l'attention du tribunal sur le conditionnel qui est employé dans le texte. Les avocats plaident que l'accusé n'avait pas l'intention criminelle d'intimider et d'être pris au sérieux. La défense indique que le langage employé par l'accusé doit être évalué dans le contexte global de la relation entre les frères. Le fait que l'accusé ne soit pas un assassin, le texte étant conditionnel au fait qu'il soit un assassin, enlèverait l'intention de l'accusé de menacer. Par ailleurs, le seul fait que les propos considérés objectivement constituent des menaces n'est évidemment pas suffisant pour que l'accusé soit trouvé coupable. Les termes constituant une menace doivent être examinés en fonction de plusieurs facteurs. Alors, en examinant de façon objective et dans le contexte des échanges entre les frères, on peut en effet s'interroger à savoir si les propos visaient à être pris au sérieux. Le code vise à empêcher finalement les citoyens de se menacer entre eux. Le code ne vise pas de criminaliser les propos ne voulant pas être pris au sérieux. Le conditionnel employé par l'accusé dans le contexte de l'affaire mérite une attention très particulière des courriels déposés en preuve. À 14h06, l'accusé écrit, j'oublie les guillemets, « Si j'ai assassiné ma mère, je vais régler ton cas, t'assassiner et violer ta femme, etc. » Si après cet envoi, le lecteur, pouvait ne pas nécessairement sentir l'intimidation. Après le deuxième courriel à 14h22, les propos deviennent sans équivoque. Il écrit, j'ouvre les guillemets, « Je termine en te disant de sérieusement te méfier de moi, 3 points, relis attentivement ma toute récente réponse à tes propos méchants, 3 points, faisant, sans aucun doute, référence au premier courriel. Alors, suite à une relecture, les avocats m'ont invité de relire ou reprendre, en tirer mon attention là, sur les arrêts McRae, O'Brien, Clemente. Et suite à une relecture de ces arrêts, et après avoir considéré toute la preuve et toutes les circonstances très particulières de cette affaire, le tribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé avait l'intention subjective de vouloir que ses paroles ou que ses propos par courriel soient pris au sérieux et visait à intimider. Alors, il est donc conséquemment trouvé coupable. Maître Attel. Maintenant, avec ce que je connais de l'accusé, de son passé, de l'histoire familiale, donnez-moi une bonne raison pourquoi monsieur ne serait pas absous inconditionnellement. Pour éviter les contacts avec son frère qui ne désire plus avoir de contact avec l'accusé, de façon très claire, si vous en venez à la conclusion que monsieur mériterait une absolution, je suggère qu'elle soit conditionnelle à une probation d'un an avec un interdit de contact total. Vous me dites ça en étant conscient du fait que la victime a, sans relâche, insulté l'accusé en connaissant la fausseté des propos qu'il tenait. Effectivement, M. le juge, je vous ramène là, quelques jours auparavant, lors du procès, la victime était encore très émotive de la situation. La victime se sentait encore très intimidée par monsieur. C'est un contexte difficile et la victime veut éviter là, à tout prix monsieur. Je suis convaincue là, que monsieur ne désirait pas avoir de contact avec l'accusé. C'est ça qu'il mentionnait là, lors de son interrogatoire. Merci. Je n'aurais pas besoin de ça. Non, merci, M. le juge. Alors, comme je le disais, et ça n'excuse pas là, les propos tenus par l'accusé, là. mais il est clair que la victime là-dedans a tenu des propos humiliants, vexants, même voire offensants à l'égard de l'accusé. L'accusé était manifestement tourmenté par les propos de son frère, c'est ce que la preuve a révélé au procès. D'ailleurs, il s'est exprimé aux policiers dans ce sens-là. Manifestement, cette personne-là vivait une tempête intérieure. La victime connaissait les difficultés personnelles de son frère, ses problèmes de dépression, sa fragilité, et ça ne l'a pas empêché de le blesser davantage en envoyant les courriels offensants. Alors, l'accusé et la victime sont des hommes articulés, érudits. C'est ce qui transpire de la preuve que j'ai entendue au procès. Par contre, ils sont inconciliants, les deux. Je l'ai dit, je vais tenir compte des propos que la victime a tenus avant ceux de l'accusé. Les insultes et faussetés tenues par Alain Pelletier, comme je l'ai dit, sans excuser les propos tenus par Pierre, était presque une forme de provocation et je le prendrai en considération lors de la détermination de la peine, qui sera la suivante. Considérant la personnalité de l'accusé mise en preuve au procès, considérant les circonstances extrêmement particulières de cette affaire-là, il y va manifestement de l'intérêt de l'accusé avec ce que je sais de lui, ses difficultés personnelles et sa formation professionnelle, sans nuire à l'intérêt public, qu'il soit absous inconditionnellement. Il va y avoir dispense des frais et de l'assurance. Et je m'excuse auprès des avocats d'avoir fait attendre si longtemps. J'étais à la merci des horaires des autres juges. On a remarqué alors, que vous aviez quelque Monsieur chose à faire. Petit, votre avocat va vous expliquer ce qui est, en détail ce qui est arrivé. Maître Attel, merci. Merci, M. le juge.